Et Johanna, bonsoir. Bonsoir, Johanna. Ça, Johanna. Salomé, bonsoir. Bonsoir, Salomé. Bonsoir. Carambard, bonsoir. C'est Carambard. Les mijaurés de caramel. Ouais, ben, bah, oh, tu as commencé par te taire. D'accord, Gérard. Ça reste poli. Vous n'avez pas commencé, là. D'accord, Gérard. Il y a Carole et Crabe. Je suis excité là ce soir, Gérard. Il y a une mijaurée de caramel. Ah bah, c'est moi. Je sens que 40 bars, tu vas pas commencer le débat que. T'as raison, Gigi, faut le remettre de sa Non, je vais être gentil. Non, Gigi, je vais être gentil. T'as intérêt ? Je suis très gentil, j'appelle les gens. Gentil, caramel, 40 bars, je connais. Ouais, c'est bon, toi. Ah, non, non. Camille, bonsoir. Bonsoir, Camille. Bonsoir, Camille. Et Twister. Bonsoir, Twister. Twister. Et nous accueillons Momo aussi, donc qui vient d'arriver. Momo, t'es pas d'Angoulême ? Comment ? T'es pas d'Angoulême, Momo ? Ah, non, je suis de Lyon. Ah, merde. T'es de Lyon ? Ouais, de Lyon. Ça va, tout le monde ? Non, on a toujours le Momo. Ça va. Non, mais Momo, c'est sûr, il a remplacé Goldorak, puisque je pourrais pas avoir la ligne de Goldorak. J'avais déjà Momo tout à l'heure. Mais non, tu ne lui as pas parlé à Momo. Allez hop. Gérard. Bon, allez, la première question. Gérard. Oh là là, je sens que tout à l'heure, sur la journée. J'en connais qui vont aller au standard. Alors. Gérard. Vite fait. Gérard, c'est Carambard. Bon, Carambard, pour l'instant, tu la poses, tu la fermes et c'est moi qui. Ouais, non, mais Carambard, tu te calmes un peu, sinon on va rien faire du tout, quoi. Bon, alors êtes-vous pour ou contre les pêtes ? Allez, c'est parti, première question, Momo, tu réponds s'il te plaît. Bah pour ou contre les pêtes ? Wixer, je suis pour. Je suis pour les pêtes, moi. Moi, je suis pour aussi. Voilà, on va. Alors, moi, je suis pour les pêtes, là, c'est calmé, hein. C'est pour les pêtes. Allô, Gérard, c'est Carambard. Donc, on va décider, là, gros pêtes, là. Non, mais je suis gentil, moi. Un dire sans arrêt, c'est quoi ta question, d'accord ? Ah, mais j'ai pas tout ça, moi. Mais Gérard, c'est pas celui que je m'adressais, c'est un Momo. Ah, bon, quand j'appelle, il répondra. Gérard, calme-toi un peu. Gérard, c'est à moi, ouais. Allez, Momo. Gérard, je veux juste te dire un truc. C'est qu'on est quand même beaucoup sur l'antenne et que bon, on n'entend pas toujours très bien. Non, tu pourrais pas aller faire ça. Oh, merde. Non, on va plus entendre du tout, là. Momo, tu réponds à la première question. Vas-y, allez, Momo. Faut faire la fête. On a qu'une vie. Faut s'éclater à fond. Exactement, la fête. Moi, je suis d'accord avec toi. Bien, Momo. Ça. Fixeur, je suis d'accord. Ouais, ben attends. Merci, Momo. Johanna. Ouais. Johanna. Mais moi, je sais pas ce que je fais là. Je voudrais parler à Jean-Luc, s'il vous plaît. C'est pas l'enseignement ici, la cocotte, hein. Tu réponds à la question, tu ne demandes pas à parler à Jean-Luc, sinon tu dégages. Mais écoutez, monsieur, moi je ne sais pas où je suis. Tu dégages. Oh, dégage, je C'est moi. Alors, hop, Carambar, tu dégages, bonne nuit, je veux plus t'entendre. Mais non, il faut laisser Carambar, là. Laissez-le, Carambar. Laissez-le, non, attendez, c'est pas vous qui commandez, c'est moi, d'accord? Mais écoute, faut pas avoir peur, hein. Camille, s'il te plaît, tu réponds. Alors, les fêtes, eh ben, écoute, les fêtes, eh ben, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Il faut vivre avec les fêtes parce que c'est comme ça qu'on vit. Bah, je suis d'accord. Vous êtes d'accord, bien vu. Vous êtes tous d'accord avec moi? Bah, oui. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui se dénonce? Pour l'instant, vous attendez, on prend quelqu'un d'autre à la place de Carambar, j'espère. À la place de Carambar. Carambar est d'accord. On mange à la hausse. Nous accueillons Malabar. Bonsoir, Salut. Ça va être terre et net au standard. Si vous me rebalancez les mêmes. Ouais, bah moi je suis pour, hein. De toute façon, moi je pense que c'est bien, c'est l'occasion de se retrouver, on peut piller à un coup, quoi, c'est cool. Mm-hmm. Voilà, c'est tout. Bah, c'est une bonne occasion de faire la fête. À n'importe quelle occasion, on peut se boire la gueule, on peut retrouver ses copains, voilà. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Donc on va pas. Malabar, j'ai pas répondu. Malabar, elle a pas répondu. Alors vas-y, Malabar, mais tu peux me dire, moi ça va aller vite, je pense que c'est Max qui. Je vais demander à Max. Max qui s'occupe du standard. Parce que là, si c'est pour moi, c'est pas le même. Max, tu. Bon, je t'attends. Oui, j'ai bien la fête. Je suis pour. Pourquoi? Ah oui, non, j'ai autre chose à dire. Je suis le plus gros collectionneur de cartes Magic de couleur bleue en France. On s'en fout. Voilà, je tenais à dire. On s'en fout, 36-15 ta vie, tu connais? D'accord, alors je vais dire une chose que là, tu vas un peu trop loin, Malabar. Hein. Ah non. Ok. C'est vrai que t'abuses, hein. Ah, pardon, c'est vrai, j'imagine. Alors pourquoi faites-vous la fête? Alors on va demander à Momo. Pourquoi faites-vous la fête? Allez, Momo. Ouais, Momo, tu peux aller. Arrête avec ça, non. Non, mais Gérard, c'est un brouillon tout ce que tu es en train de nous faire. Il faut prendre. Il faut être un peu plus discipliné de tout ça, d'accord? Mais attends, mais Yana, tu es en train de m'énerver avec ta boule, là. Mais écoute, arrête de comprendre rien, là. Le petit va à droite, à gauche. Donc, essaie-nous, dis-moi, ce que tu penses, toi, de la fête. Bon, déjà, moi, je suis pour faire les fêtes. Pourquoi? Moi, je suis pour, parce que c'est vrai qu'on se retrouve entre amis. Oui. J'aime bien me retrouver entre amis. Mais bon, il y a amis et amis, d'accord? Oui, mais qu'est-ce que c'est de prédiction? Des amis plutôt goyosexuels ou plus homosexuels? Mais putain, mais... Bon, allez, je préviens d'une chose. Et si le démon de minuit? Vous m'écoutez? Ouais. Je suis le dieu de la fête. Bonjour. Alors, je vous la ferme toutes. Et je veux. Vous comprenez? Hé, hey, tu les prends là les mecs au standard ou pas? Gérard, t'as la chance d'avoir le dieu de la fête. Ouais, c'est Malabar. Ouais, ben Malabar, tu la fermes. T'as Manu le gamin, il y a Gaël de gérer Philippe. Oui, c'est... On va peut-être me les calmer là au standard. C'est Lola, hein. C'est Malabar, c'est un peu le bordel, Gérard, contrôle mieux ton débat. Non mais attends, si t'es pas content, tu vas dégager. C'est Joanna. Alors Joanna. Oui, monsieur Gérard, je voulais savoir si vous avez aligné des fêtes ou des soirées ou des anniversaires. Et combien vous preniez? Parce que moi, je vais bientôt faire une fête et je voulais savoir si ça vous plairait de l'animer. Non, mais moi, pour l'instant... À 10h. Bon, ouais. Celui qui rentre, ça, vous me les prenez tous. Tu nous invites, Joanna? Bah oui, bon, oui, Joanna, Gérard, tu viens animer la fête, je viens quand même. Non, mais attends, Joanna... Ah, c'est Camille qui rentre. Et on fera beaucoup de publicité et ce sera un... Pour l'ironique de Gégé, ouais. Mais imagine, Gérard, ce qu'elle te propose, c'est la gloire de ta vie. Non, mais de toute manière, il est hors de question que je m'amuse à faire des soirées comme ça. Mais pourquoi? Tu seras pas bon. Tu serais bien payé, hein. Non, c'est la chance de ta vie, Gérard. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui m'a posé une question si si j'aimais faire la fête. Je voudrais bien savoir la nana qui m'a posé cette question. Pourquoi faites-vous la fête? Bon, celui qui s'amuse à rôter, tu l'as dégagé, mais vite fait, bien fait, maintenant. C'est naturel, Gérard, c'est naturel. Pas de ta faute. Nous accueillons Carole, c'est en place, Camille. Carole, c'est Carole. Allô? C'est Carole, ça? Carole, allô, salut. Carole. Salut, Carole. Ouais, ça va? Salut Gérard. Oui, Gérard, vas-y, continue. Allez, salut connard. Punaise, je sens que tout à l'heure, je m'énerve. Gérard, allez, bon, calme. Bonsoir. Bonsoir Carole. Tu appelles d'où? De Saint-Denis, mon amour. Comment? De Saint-Denis. Ah ouais, comme par hasard, tu devais venir ce soir, hein. Attends, tu m'as pas appelé, hein. Ouais, c'est chaud, ouais, en fait. C'est chaud pas tel. Eh, moi, je t'ai laissé un message sur Patou, je te signale. Oh, Dieu. Pourquoi faites-vous la fête? Parce qu'on aime ça. Momo. Allez. Pourquoi faites-vous la fête? Sans boire d'alcool. Non, Malabar, on peut pas. Malabar, fixeur. Bon, Malabar, à non, mais on est là-bas. Moi, quand je fais la fête, je torche. Il faut que je torche. Ça me rend gay. Ça me rend heureux. Et comme ça, j'ai la parole facile pour parler avec les femmes. Donc, tu es gay? Oui, je suis. Et j'ai androgyne en plus. Est-ce que tu es androgyne, Gérard? Non, là, je veux dire, non, peut-être. Non, mais je veux la vérité terminée. Non, Gérard, il est goliosexuel. Il est goliosexuel. Yvan, oui, mon amour. Alors, peut-on faire la fête sans boire d'alcool? Eh ben, moi, je pense que si un jour on est amené à se rencontrer, il faudrait que je boive un coup, ouais. Ah, bien. À mon avis, c'est quoi, sinon, hein, je est-ce que tu mets d'Adidas quand tu fais la fête? Je sais pas. Tu mets d'autres colonnes, Gérard? Oui. Ah bah oui, toujours. C'est quelle marque brute? Il faut mieux, hein, il se fait par semaine, hein. Est-ce que tu bois de l'Adidas? N'importe quoi, la question. Mais non, et il avale de la bière, Gérard. Oui, j'ai répondu. Johanna répond. Oui. Tu réponds, s'il te plaît, à la question. C'est quoi la question? Oh non, mais faut peut-être vous. Attends pas bien, Gérard. Non, mais je suis désolée, mais je comprends rien. Pas t'en faire la fête sans boire d'alcool. J'ai une écoute téléphonique de problème, On peut faire la fête sans boire, mais c'est vrai que boire un petit peu, ça aide. Ah non, on peut pas faire la fête sans boire. Ça dépend, et ça dépend comment tu veux faire, la fête. Mais c'est dégueulasse. T'as écouté, Gérard, ce que je t'ai dit? T'as pas écouté? Il écoute pas, il s'est pas respecté. Eh, Johanna, Oh, Momo, je sais pas ce que c'est que ce disque. Non, non. Oh, tu dégages. Gérard, c'est en mono. En mono, donc, ouais. Ben, c'est des doublis brologiques. Ok. Oh, Gérard! Gérard! Allez! Gérard est pas encore prêt. Comme d'habitude, tu mets ton casque, ça y est? Alors. Donc, rebonsoir à tous. Donc, c'est la suite des débats. Donc, vous voulez l'écouter en mono de Dobby Brologic. Donc, on va accueillir d'autres auditeurs, j'espère, pour la suite du débat sur les fêtes. Donc, la quatrième question, je la pose quand même, parce qu'on l'a pas posée avant le disque. C'est, faut-il être amoureux pour fêter la Saint-Valentin? Donc, si je pourrais avoir les noms. Gérard? Qui c'est? C'est mon nom, là. Non, mais attends, pour l'instant, j'ai demandé à ce qu'on change d'auditeur. Ouais, mais moi, je suis tranquille. Moi, je suis tranquille, moi. Ouais, moi aussi, car... Ouais, je réponds aux questions. Ouais, en fait, j'ai pas répondu. Ils sont calmes, essaye de reprendre avec eux. Si ça va pas, on change. Bon, alors, c'est bien à vous, là, et je vais reprendre les mêmes. Moi aussi. Mais d'accord. On calme, Gérard. Bon, alors, Momo, tu réponds, s'il te plaît. Parce que j'ai pas répondu à l'autre question, là. Non, mais pour l'instant, on en est à la quatrième. Tu réponds, s'il te plaît. Bon, c'est laquelle, alors? Non mais attends, je viens de la poser à un instant, tu m'as dit que t'allais répondre. Non, je vais répondre à l'autre, c'est le... Faut-il être amoureux pour fêter la Saint-Valentin? Quel rapport? Ouais. Bien sûr qu'il faut être amoureux, puis tu peux pas le faire tout seul, là, comme Madame 5. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, Joanna. Ouais, bien sûr qu'il faut être amoureux, parce que sinon, rester tout seul devant la télé, c'est pas marrant, hein. Non mais pour la Saint-Valentin. Bah oui. Tu le sais, t'as déjà la dernière Saint-Valentin, t'étais tout seul. Oui. Et alors, c'était pas marrant. C'est Madame 5. Eh ben voilà. Celui qui répond quand Joanna parle, tu le tais, s'il te plaît. Ouais, t'abuses là. Donc Salomé. Bien sûr qu'il faut être amoureux pendant la Saint-Valentin de toute façon, puisque t'as fait des amoureux, donc voilà. Mm-hmm. Donc voilà, j'espère que toi, la prochaine Saint-Valentin, tu seras pas tout seul. Bah j'espère aussi. Voilà. Malabar? Ouais, si tu veux, Gérard, j'ai jamais c'est malheureux, mais j'ai jamais eu de Saint-Valentin avec une femme, quoi. Tu veux la passer avec moi? Bon, si, Gérard. Non, c'est pas ça, non. Non. Ah, bah ouais. Attends, si tu m'as pas reconnu, alors on la passera pas ensemble. Oh, oui. Carole, pour toi? Moi, j'ai jamais eu de Saint-Valentin non plus, hein. Oh, Carole. Oh là là. Désolée, hein. Non, mais moi non plus. Ça va être avec toi, Gérard. Moi non plus. Peut-être avec toi. Oh, Gérard. On verra. Carole, mon gros ton préféré. Tu casses l'ambiance, là. On est heureux maintenant. Twister. Ouais, moi je pense que c'est mieux quand on est deux quand même. Mais bon, quand on est tout seul, c'est moins marrant, quoi, disons. Quand tu prends la Saint-Valentin avec sa main droite, c'est chaud quand même. Ouais, voilà. Le problème, c'est pas le mien. Toi, Gérard. Moi, de toute manière, pour les fêtes de Saint-Valentin, j'ai toujours été tout seul. Mais non, c'est vrai. Bon, pour l'instant, je réponds à la question, d'accord? Donc, j'ai été tout seul cette année pour la fête de la fin de la Saint-Valentin. J'espère que l'année prochaine, je ne serai pas tout seul. Gérard? Quoi? C'est Malabar. Une question très sérieuse. Hein. Quand tu étais avec Christine et puis avec l'autre personne dont tu n'as pas voulu donner le prénom, tu l'as quand même déjà fêté ou pas ou... De quoi? La Saint-Valentin, tu l'as quand même malgré tout fêté? Parce que ces personnes-là sont parties... Avant la Saint-Valentin. C'est dommage, hein, Gérard. Gérard. T'as jamais eu de relation durable, alors? Non. Ah, Gérard, c'est Twixer, je veux savoir, t'as déjà passé une Saint-Valentin à deux ou... Ouais, voilà, c'est ça que je voulais poser. Mais il a déjà répondu. Non, il a pas répondu à moi, quoi. Et Twixer, c'est déjà répondu, je t'ai dit que j'étais seul pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau pour la Saint-Valentin, Gégé? Un gros cœur. Voilà. Un gros cœur en quoi? Non, un gros cœur avec marqué les deux initiales. Et là, un cœur en quoi? Oui. Un cœur en quoi? Qui c'est qui me pose? Un cœur de vous. Bah, attendez 5 minutes. Un stylophone radio. Attendez 5 minutes. Oh non! Tu recommences pas ce que tu viens de me faire. D'accord? Un cœur de mouton. Alors là, tu as viré mes stèches. T'as pas besoin de faire voir la publicité de mon stylo. Les candidats. Bon, donc, qui c'est qui est... Bon, c'est donc... Gérard. Oui. Chez toi, c'est quoi, un studio? Non, c'est un deux pièces. Ah, d'accord. Donc, tu peux faire la fête chez toi? Jésus. En promenant les gens, oui. En promenant les gens? En prévenant les gens. Ah, d'accord. Jésus. Oui. Mais d'abord, t'as des animaux de compagnie? Non. Merde. T'aimerais pas avoir un rat? Un chien. Un peu sur le débat. Donc on va revenir sur le débat. Peut-on faire la fête à poil avec ses amis? Est-ce que tu l'as déjà fait, Gérard, avec des champignons sur le corps léchés par des hommes? Non mais attends, et pour l'instant, celui qui répond, tu vas répondre gentiment à la question, d'accord? Ouais, à la question. En gros, pour ou contre les parties, c'est ça? Non. Non, c'est pas le sujet. Ouais, donc, Twister. Ouais, moi je pense que oui, c'est une bonne idée. Ouais, mais même s'il y a des enfants qui sont là... Ah non, je suis pas pédophile, non. Des enfants qui sont là... Des enfants au milieu, non, pas du tout, non. Non, mais avec des gens de mon âge, ouais, c'est pisse, ouais. D'accord. À propos de pédophile, justement, enfin, ça revient là-dessus. Moi je suis... Non, je suis contre, mais C'est pas ça la question. Mais t'as du genre d'âge en taille, t'as pas envie d'être... C'est bon. Carole. Alors, moi, je suis très timide, donc à poil, jamais, non. D'accord. Ça caille surtout, hein. Comment ? Ça caille, surtout en hiver. Ouais. Je suis très pudique aussi, Gérard. Ok. Salomé. Gérard. Ouais, Salomé. Non, c'est pas toi, c'est qui, alors? C'est pas grave, Salomé, réponds. Salomé. C'est qui, continue. Hein? Tu vois, Gérard? Gérard? Faut pas quand même déconner avec les deux voix. Ça me le fait aussi à moi. Gérard, ça nous fait à nous, Gérard aussi. Gérard, c'est pas grave. Salomé. Allô? Salomé. Oui. Salomé. Oui. Réponds. Bon, j'ai jamais encore fait, mais ça me tente très bien. Ça doit être très sympa. Ouais, c'est marrant. Tu m'invites alors, hein? Ah bah, quand tu veux. Joanna. Bah oui, ça peut être sympa, mais il faudrait quand même mettre le chauffage à fond, hein. Et Momo ? Moi, je ferais bien avec tout plein de femmes. Avec quoi ? Avec tout plein de femmes autour. Ah ouais, tout seul, ouais. Bah ouais, c'est ça, ouais. Bah ouais, c'est le trip. Ouais, c'est parfait. Donc, sixième question, que pensez-vous des fêtes de fin d'année ? Les plus belles fêtes. C'est-à-dire ? Alors, donnez vos noms quand vous voulez répondre. À la barre. Non, pour l'instant, c'est une nana qui a voulu répondre. Salomé. Alors, Salomé. Non, moi, j'aime bien les fêtes, fêtes de fin d'année, Noël, parce que c'est en famille, c'est sympa, c'est la fête des enfants, et puis, le jour de l'an, le réveillon, parce que c'est entre copains, c'est fêter une nouvelle année, c'est oublier l'année précédente. Prendre de bonnes résolutions. Et essayer de faire le maximum pour avoir une super année après. Voilà. On monte la dinde, mon Dieu. Hein? Joanna? Bah, moi j'aime bien les fêtes de fin d'année pour les cadeaux, parce que j'aime bien faire des cadeaux. Et puis j'aime bien en recevoir aussi, je veux dire. Et puis j'aime bien parce qu'il y a plein de lumière, et puis t'es jolie, et puis Papa Noël il passe. D'accord. Voilà. Malabar? Moi, vu mes origines écossaises, je suis très très attaché à la tradition de Noël. Je suis très très attaché à la tradition de Noël et je trouve ça vraiment formidable. C'est une des plus belles fêtes du monde et je me raffole de ça. Quoi. Carole? Alors, moi, j'aime bien faire les fêtes dans des boîtes gays, mais j'aimerais bien t'inviter, Gérard. Et t'es bonne? Dans des boîtes gays, c'est vraiment très bien. Gays, Gérard, avec des Père Noël gays, par exemple. Ah, tu veux dire quoi? Des Père Noël tout nus, quoi. Mais j'aimerais bien t'inviter, t'emmener au Scorpion. Et puis, par la suite, à l'enfer. Non, à l'enfer, je connais, t'inquiète pas, j'y ai déjà été une fois. C'est vrai? C'est comment à l'intérieur alors? C'est pas mal. Il y a quoi dedans? Non, bah, on te dit c'est pas mal, c'est tout. Gérard, c'est Salomé. Gérard, son unité, il y a Jojo qui est dans le même registre, je veux venir à la fête de GG, j'apporterai des capotes spéciales à nuit GG. Cyril, t'arrêtes s'il te plaît, tu dégages. De derrière moi, pourquoi t'as un problème avec ta caméra? T'arrêtes avec ta caméra. Twister. Dégage. Moi, je pense que c'est un bon trip, quoi, parce que Noël on passe en famille et puis le nouvel an avec ses potes quoi, donc c'est l'occasion de retrouver tout le monde encore. Mmh. C'est bien avant encore quoi, Qui c'est qui veut me parler derrière? C'est Salomé. Ouais, Salomé. On fait la dinde aussi. Quoi, est-ce que t'aimes les fêtes de Noël? Qu'est-ce que tu fais pour les fêtes de fin d'année, c'était quoi? Bah tu vois, les fêtes de fin d'année, l'année dernière je les ai passées là à la radio. On l'a fait. T'as bouffé une dame sur la radio, non, c'est ça? Non, on l'a fait ensemble avec Max, et donc ça fait... T'avais pas un cadeau? Non, ça s'est bien passé dans l'ensemble, j'étais content parce que j'étais pas tout seul chez moi. J'étais avec les gens de la radio que je connaissais. Gérard, j'ai une question. Donc, voilà. Le Père Noël, tu crois encore au Père Noël, Gérard? Non, pas du tout. Gérard, j'ai pas entendu, moi, pour ta... Mais tu sais qu'il existe, le Père Noël, Gérard? Ouais, exactement. Bon, donc, on va passer à la septième question. Mais Momo, il n'a pas répondu, moi. Si, Momo, t'as répondu, je te l'ai posé en premier. Ah non, question. J'ai pas répondu, il n'a pas répondu. Si, attends, c'est une meuf. Si. Bon, je réponds. Voilà, Magnita. Bon, moi, les fêtes de la fin d'année, ça le fait pas trop, moi. Moi, c'est juste la fête du nouvel an que je fête avec mes chaps. Tu en as vu. Il fait chier, toi, hein. Bon, non. Peut-on faire la fête tout seul, en étant seul? Non, c'est malheureux. Non. Tu peux répéter la question? Oui. Peut-on faire la fête en étant seul? Oui, j'ai malheur. Alors vas-y, réponds malheur. Oui, ça m'est déjà arrivé une fois, je me suis bourré la gueule, et je me suis tapé des quiches pendant toute la soirée. D'accord, ok. Twister? Moi, c'est souvent, je me mets sur mon balcon, et puis je fume un bon pet, et puis voilà, puis je suis parti pour la nuit, quoi. Ok. Carole? Alors moi, je regarde la télé, et notamment les films de cul. Mmh. Je m'intéresse, Carole. Trop chaud, ça c'est bon, ça. Gérard, tu fais attention, les gars. Viens là, s'il te plaît, maintenant. Carole, dégage la caméra. La caméra, on s'en va. Allez, on va jouer. Je traduis, tu viens. Là, tu dégages, parce que tu vas prendre... Mais tu dégages. En gros, il va chanter. Lui, tu dégages. Pourquoi ton tabac? Donc Carole, donc tu disais parce que comme j'ai des problèmes avec le caméraman encore, il commence comme toute la semaine. Gérard, tu reviens dans le débat là. S'il te plaît, tu fais un peu moins attention à la caméra, un peu plus attention à la radio. Alors, on a dit que Gérard, il est en mode tu feras pas de deuxième débat, mais tu finis au moins celui-là. Ah, c'est clair. Carole, tu disais quoi? Alors, je disais que je regardais la télé, notamment les films de cul en pensant à toi. Ouais, d'accord, tu m'écoutes même pas. Hein. Si, non, tu m'écoutes pas. Non. Donc, tu disais que tu regardais les films de cul en pensant à toi. C'est ça? Gérard, écoute-moi. Oui. Donc, je regarde la télé, notamment les films de cul en pensant à toi. Ouais, ben, parce que je t'ai répondu, donc tu regardes la télé en pensant à moi, d'accord? Ah ouais, en regardant les films de cul aussi. Ok. Ben, donc, ok, je donne la même. Bon, Malabar? Hein? Non, ça y est, j'ai répondu. Ça y est, Salomé? Non, moi, la fête, je peux pas la faire toute seule. Donc, pour moi, la fête, c'est avec des copains, c'est, voilà. Ça fait toujours mieux avec des copains, tout ça. D'accord. Joanna? Ben, ouais, on peut faire la fête tout seul. Regarde, là, je suis toute seule, mais, c'est avec moi, donc ça va, quoi. Mais t'es avec mon téléphone, donc t'es pas là. Ah, t'as un couille, là. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. T'as pas compris. Ouais, tu peux faire la fête tout seul, mais avec un bon Big Bang. Ouais, c'est un bon bourrin, hein, le numéro, là. Fais gaffe, Cyril. Gérard. Et là, quand Cyril, on est pas pour m'en faire casser ma carte. C'est que c'est des cartes, ça dépasse. Bon, Gérard. Carole. Bon. C'est donc, moi, je vais vous répondre. De toute manière, faire des fêtes de fin d'année seul. En étant seul, je vais vous dire. Quoi, tu t'en fous? Ben, si tu t'en fous, tu dégages, tu vas retourner. Non, on t'écoute, Gérard, on t'écoute. J'ai toutes les lignes de téléphone qui sonnent et je voudrais bien changer un peu d'auditeur. Vas-y, Gérard. Attends, Gérard. Donc. On arrête saturé là, donc je serais vous, je serais calme, hein, parce que là. Gérard, on t'écoute. Donc, faire les fêtes de fin d'année, tout à l'heure. Faire les fêtes de fin d'année. Merci pour le double son. C'est pas grave. Allez, Gérard. Donc moi j'aime pas être seul pour faire les fêtes de fin d'année, je préfère les faire avec des amis que je connais, ou même des auditrices, n'importe... Gérard, c'est Twitter. Il faut savoir, il y a des auditrices qui viennent au Noël de Fun Radio ou au Nouvel An, machin. Ah ben ça, à Noël, cette année, il y a quand même eu du monde. Ouais. Donc j'étais pas tout seul et en plus j'étais avec Max, donc ça s'est bien passé. Ah, devant ton micro, Gérard. Fais ta con. Ouais, non, mais attends, dans sa carrière, il se calme, lui. Non, non, mais il va se calmer vite fait. Oui, non, mais dans ce cas-là, il vire, lui. Il va pas me faire chier longtemps, hein. Bonjour, écoute. Donc, faire les fêtes de fin d'année tout seul, en étant entre chez soi seul, je vais vous dire une chose, que c'est pas évident. Parce que vous exprimez, quand vous voyez tout le monde qui part, par exemple, sur un coup de 20h ou 21h, qui partent en famille ou autre, et que vous êtes tout seul chez vous. Gérard, ça t'est déjà arrivé, tout le monde fait la fête et toi t'es tout seul? Oui. Moi aussi, ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé. Qu'est-ce que t'as fait, Gérard? Ben, j'ai regardé la télé, je me suis fait chier, voilà, c'est tout. J'avais Gérard et Mathieu. Déjà, t'as une télé, c'est bien. Ouais, mais t'arriveras plus, Gérard. Non, mais là, Gérard. Maintenant, tu es devenu une star. Donc, on va attaquer la huitième. Je vais être sollicité au Noël des petits-enfants battus, Gérard. Donc, on attaque la huitième. Alors, les fêtes d'anniversaire sont-elles trop bruyantes? Ah ben non, jamais assez. Pour les voisins, c'est chaud quand même. Hein. Gérard? Ouais. On accueille Jérôme à la place de Momo. Oui, bonsoir Gérard. Oui, Jérôme. Bonsoir Gérard. Jérôme. Bonsoir Jérôme. Je vois que c'est la dope, donc je viens d'accueillir. Bonjour Jérôme. Bonsoir. Bon, ça y est, c'est bon. Bonsoir Gérard. Salut. Qui c'est là? C'est Jérôme. Ouais, mais il y a une nana qui m'a dit bonsoir. C'est Caramel. C'est Caramela. Tu vas me les calmer là, le Twitter Malabar et Jérôme qui vient d'arriver. Hein. J'ai rien dit, moi, Malabar. Moi, je viens d'arriver, j'ai rien dit. Bon, lui, c'est Caramel. Gérard, c'est Jérôme. Est-ce que tu crois que Twitter, c'est un vrai nom? Parce que moi, je crois que c'est le nom d'une tornade. Ah non, c'est Twitter, c'est pas Twitter. Ne te trompe pas, mon petit. C'est Twitter. Attends, s'il te plaît. Tu veux dire quoi, Twitter? D'accord, le salaud. Tu n'as pas dit. Mais non, mais c'est une femme, c'est une femme. C'est une femme. Je souhaitais parler ce soir dans ce débat, c'est la première fois. Gérard, tu me calmes. Ah, tout Gérard, c'est la première fois que j'écoute la radio. C'est le calme. C'est le calme. Parce que là, il est en train de s'amuser à... Ta gueule. À saturer l'ambiance. Non seulement Delphine, c'est une femme, mais en plus, elle a la voix douce. Merci. C'est la première fois que j'écoute les débats de Gérard. C'est bon, tu me le prends et... Gérard, il veut être anonyme. C'est bon, tu me le prends et... Ta gueule. Oui. Alors moi, quand je fête mon anniversaire chez moi, je fais toujours un petit mot... Pilote. Oui. Oui, Carole, je t'écoute. Oui, donc quand je fête mon anniversaire chez moi, je mets toujours un petit mot à l'entrée de l'immeuble pour que les voisins sont prévenus et puis si comme ça, s'il y a un problème, ils sonnent à ma porte et je les invite. Gérard, est-ce que t'as bien les fêtes Jean-Luc? Et toi, Gérard? Et Gérard, t'as bien toi les fêtes? Tu trouves que c'est trop brouillon? Déjà, je mets un mot comme Carole a dit, et je préviens quand même le commissariat de police en disant comme quoi que je ferais juste du tout. Non, mais il a raison. Toujours prévenir la police. Ah ouais, toujours. Et si ça va pas. Ouais, on sait jamais si on peut tomber dans le Gérard. Il y a une multitude de cochons d'Inde qui arrivent. Donc, attends, Gérard, allô. Dans ce cas-là, le standard il va se réveiller plus vite que ça. Ah, j'ai un petit peu de mal. Ok, continue. te parle là, Gérard. Donc, Malabar. Oui, bah alors moi j'ai pas de copine. J'ai pas de fête, j'ai pas d'argent, j'ai des cookies, c'est pas une raison. Ça commence à bien faire là. C'est pas grave, Gérard. On parle de quoi maintenant? Carole. Alors moi, pour ma copine, j'achète des portes jartelles, un string et un soutif. Et Gwyn? Ça te dérange? Bah oui, quand c'est. Non, mais pour l'instant, c'est pour mec que je m'adresse, c'est à Carole. Ouais, j'ai répondu à ta question là. Hein. D'accord. Frister. Moi, je suis un peu comme Malabar, hein. J'ai pas de copine, hein. Donc bon, je risque pas d'avoir des vêtements sexy. Ouais. D'accord, ok, ok. Sylvie? Oui, bonsoir. Je suis un slip jaune, hein. Bonsoir. Ah non, mais attends, pour les slip jaunes, pour te manière, c'est moi qui va dire qui c'est que je garde et les autres, vous allez virer. Ah, bien, bonsoir. Ouais, vite, Ça peut parler, Sylvie. Donc, Sylvie? Bonsoir, Paris, bonsoir, Christine. J'entendais absolument, hein, à débattre. Disons, j'ai beaucoup réfléchi sur la question. La fête est-elle ou n'est-elle pas? Tu me prends ça en antenne, tu me demandes de répondre à la question. Alors, je vais répondre à la question. La fête, faites attention, par exemple, que c'est ça la fête. Voilà, bon, c'est vraiment une fête. C'est juste à dire ceci, écoutez bien, que le premier qui me cherche, je réponds ceci, écoutez bien. Ça termine au tribunal. D'accord, c'est bon, tu me l'as bien. Dehors, Sylvie. Dehors, Sylvie. Dehors, Sylvie. Dehors, Sylvie. Dehors, Sylvie. Deuxième question. Non, Gérard, je veux savoir, et toi, est-ce que tu as des vêtements sexy? Ben, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la personne avec qui faire. Est-ce que tu aimes les strings, Gérard? Ça dépend si c'est bien porté, oui, c'est ça. Ah, non. Non. Non. Non. Est-ce que je pourrais te poser une question, c'est si Sylvie, pour l'instant, tu la fermes, je pose ma dixième question. Sylvie, on va poser une question. Sylvie, tu la fermes. Bonsoir. Sylvie, tu la fermes pour la troisième fois ou tu dégages. Bonsoir, Paris, bonsoir, Sylvie. Merci Olivier pour ce mot-là. Je sais ce que Sylvie a dit. Oui, mais il n'y a pas de bonsoir à dire à l'antenne. Que pensez-vous des fêtes à souhaiter toute l'année? Il y en a pas mal sur le calendrier. Oh, c'est chiant, ça. Bah, moi, Truxer, c'est dur. Hein. Oui. Bah ouais, non, mais moi, ma fête, elle n'est pas dans le calendrier. Hein. Truxer, j'ai jamais trouvé. Bah, moi non plus, elle n'est pas dans le calendrier. Qui? Salomé. Ouais, mais on accueille Jean-Luc à la place de Sylvie. C'est même pas la peine de continuer la dixième question. Vas-y, Gérard, continue. Bonjour, Gérard. Salut, Jean-Luc. Gérard, réponds à ta question. Il y a pas la famille qui appelle ou quoi? Je peux pas continuer, hein. Je posais des questions avec un abruti. Bon, tu pires, ok. Il y a un petit qui gueule Jean-Luc. Ouais, non, mais moi je peux pas continuer. Jean-Luc! Jean-Luc! Jean-Luc! C'est bon, Malabar, pour l'occasion. J'ai pas compris celle-là. C'est Jean-Luc, Malabar. C'est trop intellectuellement nous, je pense. Et toi, Gérard, est-ce que tu fêtes ta fête? Pas en étant seul, non. La Saint-Branleur, c'est quelle date? Attends, la Saint-Branleur, c'est cette date du... Oh, bâtard. Dégage. La Saint-Branleur, vous emmerde. Waouh! Et normalement, en de bon entendeur, salut! Bonne nuit à vous! Donc, Carole, est-ce qu'on te souhaite toujours ta fête régulièrement? Non, jamais! C'est normal, ça! C'est à moi qu'on parle? Oui? Carole! Bonsoir! Paris, bonsoir Stéphane! Conclusion, vous m'énervez! Vous m'énervez, c'est la conclusion. Moi, ce soir, Gérard, j'ai envie de envie de te faire rêver, j'ai envie de te faire réfléchir. D'accord, Jérôme, bonne nuit. Jean-Henri. Au fur et à mesure, tu me les gerbes. Hein. Gerbe-moi. Oui, je suis là. Salomé, pour toi, la confusion. Bon, déjà, sur tes débats, t'as un petit problème de communication. C'est comme d'habitude. Après, sur les fêtes, bah écoute, l'essentiel, c'est que tout le monde s'amuse et il faut faire la fête toute la vie, toute l'année, toute la vie. Voilà, c'est ouais. Faites la fête. Bon, exactement. Ok. Bon, Salomé, tu restes pour le deuxième débat, comme ça. Avec grand plaisir. Je crois rester également. Non, toi, tu dégages. Si, Gérard. Non. Salomé, arrête pour le deuxième débat. Gérard, c'est Carole. Gérard, laissez-moi pour ton anus. Moi, je reste si Sylvie reste. Attends. Comment? Moi, je reste si Sylvie reste. Ouais, moi aussi. Non. Ben, dans ce cas-là, vous allez tous retourner au standard. Ah bon? Ah, tu joues à ça? Confusion. Oh ben moi j'ai trouvé vraiment ce débat très sympa. Ouais. Par rapport aux habitudes diverses là. Et franchement non, c'était vraiment rondement mené, c'est vraiment sympa et puis c'est un bon sujet, c'est pas vraiment... Twitter, oui, il a pas répondu. Super. Twitter, c'est pas à toi de parler, c'est à Carole. Bon, je parle. Alors, j'aimerais savoir si toi tu bois pendant les fêtes, Gérard. Oui. Bon, tu réponds, Gérard, à ma question? Je t'ai dit oui. Tu bois beaucoup? Tu bois quoi, du... Carole? Oui? Attends, c'est pas de ma faute, c'est le caraman maintenant qui fait le con. Tu bois comment, par derrière ou par devant? Bon, allez, on arrête. Twitter. Comment je suis là, bordel? Ouais, je voulais juste dire que moi, la fête, c'était génial, et puis voilà, c'est tout. Et puis, le débat était bien, on a parlé ni des chiottes de la loco, ni de Christine, voilà, c'est parti. Alors, d'accord? Ma gueule! Et va te faire sauter au bois de Boulogne! Ma gueule! Allez, bonne nuit à tous!